Charles Makoto. Bonsoir et merci de rester branché à la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal de la soirée dont voici les grandes articulations. Le cancer du sein est une maladie grave, difficile à soigner lorsque le diagnostic est fait tardivement. Cela a été dit par le gynécologue Nestor Chimique. C'était ce vendredi, le mois d'octobre, et a été dédié à la lutte contre le cancer du sein. La population de la 4e avenue en zone urbaine de Giza, nous sommes en commune Mukaza, craint d'attraper des maladies de messale suite aux déchets qui se déversent dans cette avenue. Contacté à ce sujet, l'administration zonale dit que le CTMI va se pencher sur cette question. Vous aurez également dans ce journal le droit à la page politique où le document final à transmettre à la facilitation Benjamin Mkapa est déjà prêt. Cependant, le Frodebo déplore l'absence du parti au pouvoir et du gouvernement burundais. Vous aurez également droit à la page chronique nutrition de ce dimanche où on va nous parler des bienfaits des haricots qui jouent en double lors dans notre organisme. Voilà pour les titres. Eric Wimana, c'est la mise en onde. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais dans le titre, le document final à présenter au facilitateur Mkapa est déjà prêt et sera présenté à la facilitation ce lundi. Document qui ne va pas aider à trouver les solutions aux problèmes du Burundi. D'après le vice-président du parti, Sahwanya Frodebu, Léon Singendakumana parle entre autres des conséquences fâcheuses au niveau de la sécurité et de l'économie du pays. De l'autre côté, Charendi Tidje indique que même s'ils ont été appelés à travailler sur une feuille de route conduisant aux élections de 2020, ils n'y participeront pas tant que la situation reste inchangée. Francine Dirokubgayo, depuis Arusha, son reportage. L'équipe rédactionnelle du rapport demandé par le facilitateur Benjamin Mkapa est prête pour le présenter depuis ce dimanche. Il ne s'agit plus d'une feuille de route pour les élections de 2020 comme l'avait souhaité Mkapa, mais d'une proposition de sortie de crise selon des sources sur place ici à Arusha. Le vice-président du parti Sahwanya Frodebu, Léon Singendakumana, reconnaît que cette dernière session a été un échec qui pourra entraîner de lourdes conséquences au pays. La première conséquence, c'est sur la paix et la sécurité dans ce pays. Nous étions en train de négocier pour que nous puissions rétablir la paix et la sécurité qui ont été perturbées par le forcing électoral de Pierre Nkurunziza, particulièrement la question du troisième mandat en 2015. Et la deuxième conséquence, c'est le niveau de la cohabitation des citoyens burundais. Nous voyons à travers cette crise une sorte de résurgence de la question ethnique, on le voit. Ça veut dire que l'unité et la cohésion du peuple burundais sera compromise et même renforcée. Troisième conséquence, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la faim, c'est la maladie, c'est le chômage qui vont se renforcer. Et au-delà de tout cela, le pays qui est isolé va s'isoler davantage. Pour Charlendi Tidje, le climat actuel du pays, politique et sécuritaire, ne favorise pas la tenue des élections crédibles et indépendantes. La priorité des priorités pour le pouvoir de Bujumbura, c'est d'aller aux élections. Il n'est pas exclu que parmi nous, il y ait des gens qui accompagnent le CNDD dans ces élections. On l'a vu en 2015, mais nous disons qu'il est illusoire, je dirais même qu'il est irresponsable et même condamnable de penser que la solution proviendra des élections de 2020, dont on connaît le cadre légal et consacré par la nouvelle constitution, comme nous devrions plutôt tout faire pour refuser ces élections. Et si d'aventure elles se tenaient, je pense que nous les combattrons. Les échanges entre les acteurs politiques ont continué dans l'après-midi de ce dimanche. Certains des participants nous ont révélé qu'ils s'occupent à collecter les signatures pour le document final à transmettre aux facilitateurs avant la clôture de cette 5e et dernière session. Depuis Arusha, Francine Ndiokugayo pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page santé de ce journal, le cancer du sein est une maladie grave qui tue beaucoup de gens, difficile à soigner. Quand on la découvre tardivement, la gynécologue Nestor Sabushi Mikela a affirmé ce vendredi lors des célébrations du mois d'octobre dédiées à la lutte contre le cancer du sein. Docteur Sabushi Mikela précise que cette maladie est une réalité chez les femmes burundaises et interpelle toutes les femmes à se faire dépister au moins deux fois par an. Je vous propose de l'écouter. Il faut d'abord que les femmes sachent que la maladie du cancer du sein chez la femme existe bel et bien ici dans notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que les femmes sachent que c'est une maladie grave qui tue beaucoup de gens, qui est difficile à soigner, surtout quand on la découvre tardivement. Une maladie dont on a les moyens thérapeutiques si la maladie est découverte un peu tôt. L'autre chose, c'est le dépistage. Les femmes devraient savoir qu'il y a le dépistage qui est là, qui existe, qui repose sur deux actions. La première action, c'est l'auto-examen, c'est l'autopalpation. La femme fait elle-même l'examen de ses seins en les palpant. Et puis si jamais elle découvre quelque chose d'anormal, comme une masse inhabituée sur le sein, qui découvre le changement de couleur du sein, qui constate que son sein a un écoulement anormal, ça peut être du sang, ça peut être du pus, de toute façon un écoulement normal. Si la femme constate qu'il y a l'un de ces signes, qu'elle consulte rapidement. Le deuxième moyen de dépistage, c'est la mammographie. C'est un examen radiologique qui aide à découvrir le cancer avant que le cancer ne se manifeste cliniquement. En principe, il y a ce qui commence à 50 ans. Normalement, une femme devrait le faire une fois les deux ans. C'était là le docteur gynécologue Sabushi Mikela qui nous parlait de cette maladie du cancer. Le directeur provincial de la santé dans la province Muyinga appelle les habitants de cette province du Nord de se confier au centre de santé ou agent de santé communautaire aussitôt qu'ils présentent des signes et des symptômes d'hyperidisme. Docteur Eric Nkunzimana affirme que même si les cas d'hyperidisme ont diminué, la population a le devoir de se protéger contre cette maladie pour couper court à sa prolifération. Je vous propose de l'écouter. À l'heure actuelle, je vous dirais que les chiffres que nous avons actuellement sont en dessous du seuil d'alerte, alors qu'auparavant, on était au-dessus du seuil épidémique. Est-ce qu'on peut estimer ce seuil en termes de pourcentage pour signifier cette réduction? Avant l'épidémie, les chiffres se sont multipliés à plus de deux, plus de trois fois, même jusqu'à quatre fois en fonction des localités. Mais jusqu'à présent, compte tenu des chiffres les plus élevés qu'on a enregistrés dans la période d'épidémie, nous sommes descendus jusqu'au dessus de 60%. Mais ce n'est pas à dire que le paludisme est écarté à 100%. Et les chiffres acceptables selon les définitions de l'OMS sont toujours dans notre province. Et c'est pourquoi nous continuons à mettre en place toutes les stratégies pour maîtriser cette maladie. Pas d'habitude de voir le paludisme dans ces provinces du Nord. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, les causes de cette maladie dans ces provinces-ci? Il y a plusieurs pratiques qui actuellement sont dans notre province qui pourraient être à l'origine de la prolifération des moustiquaires qui sont à l'origine de la transmission du paludisme. Et là, je dirais la pratique de la riziculture en voie d'expansion ou bien de vulgarisation à grande échelle dans notre province et qui pourrait être à l'origine de la prolifération de ces moustiques qui sont à l'origine de la transmission du paludisme. Et la deuxième raison, ce sont les changements climatiques. Alors, ce qui est très important, c'est que nous devons savoir que à chaque pratique qui est aussi bénéfique pour la population, à chaque changement, il faut connaître qu'il y a des stratégies de prévention qui sont mises en place par le ministère, notamment les moustiquaires qui ont été donnés et qui doivent être utilisés et comme il se doit, et notamment d'autres pratiques, l'assainissement du milieu, qui sont des éléments vraiment primordiaux pour la prévention, mais aussi de consulter les formations sanitaires chaque fois que les signes en faveur du paludisme se présentent. Page société de ce journal, un regard des conduits des eaux usées se trouvant à la 4e avenue de la zone Ebwiza de la commune Muha en mairie de Bujumbura déverse des matières fécales dans cette avenue. Les habitants de cette localité craignent des maladies domestiques causées par ces déchets. Ils demandent aux autorités en charge d'hygiène de réparer ce regard. Moïse Misago pour plus de détails. Arrivé sur cette avenue tout près du bureau de la zone Bgiza, on sent une odeur nauséabonde. Au milieu de cette avenue, des déchets en provenance des toilettes se déversent dans la rue. Les habitants des environs disent que ces déchets puent beaucoup. Ici, ce qui s'est passé, voilà que l'organe s'est bouché. Alors, après que c'est bouché, et ça a débordé. Voilà, c'est de la matière fécale, ce sont des déchets. Et ça pue beaucoup. Ici, même les habitants environnants, c'était vraiment c'est trop gênant. Vraiment, c'est, je ne sais pas comment dire, mais quand même, c'est très horrible. Et on fait mener, justement, parce que c'est trop, ça pue beaucoup. On ne sait pas même comment on peut vivre avec tous ces déchets. Ces citadins considèrent que ces déchets ternissent l'image de la zone. Bon, vous voyez, moi je crois qu'ils l'ont déjà soumis aux supérieurs dans leur rapport. Ce serait étonnant s'ils ne l'ont pas encore fait. Cela discrédite même la zone, puisque c'est devant le bureau administratif. Ils craignent des maladies qui peuvent causer ces saletés. Ils demandent aux autorités habilitées de réparer ce regard. Prenons par exemple, vous voyez que ces enfants sont encore trop petits. S'ils sont en train de jouer là-dedans, ils peuvent même manger sans se laver les mains. Et de là, nos enfants peuvent attraper les maladies liées aux mains sales. Ce que nous demandons, c'est que les concernés viennent voir là où est le problème afin de les enlever. Vraiment, nous craignons des maladies. Peut-être que même il y a des enfants tout autour. Il y a des enfants ici. Il y a des enfants qui jouent tout à côté. Pour dire que bientôt ces enfants tomberont malades ou plutôt nous aussi nous craignons choléra, les maladies. Vraiment, nous craignons ça. Nous lançons un appel vraiment pour que ça on peut juste réparer ces regards parce que c'est vraiment gênant. Je pense que si possible, on peut amener des machines pour que ça puisse pour réparer tous ces regards. Nous, ce que nous demandons, c'est d'enlever ces déchets parce que nous sommes des morts vivants. Ces habitants de la zone Bgiza regrettent que ça fait une année que la situation est ainsi à cette avenue. Moïse Misago, contacté à ce sujet, l'administration zonale promet que les services techniques et municipaux vont se pencher à ce conduit ce lundi. Et page sportive de ce journal, les performances des judokas burundais sont satisfaisantes, que ce soit au niveau national que dans des compétitions internationales. Le président de la Fédération du judo au Burundi fait référence aux médailles qui sont décrochées ces derniers jours par les judokas burundais. Le président de la Fédération de Judo, Valérie Manirakiza, le dit au moment où, ce dimanche 28 octobre, le monde célébrait la Journée internationale du Judo. Selon lui, bien que des progrès ont été enregistrés, des défis ne manquent pas. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le haricot joue un rôle double dans l'organisme, d'abord comme protéine et puis comme légume. Selon le docteur ingénieur Chantal Kwizera, professeur à l'Université du Burundi, les recherches qui ont été faites montrent que cet aliment agit de la même façon que la viande. Elle explique que le haricot frais contient beaucoup d'eau par rapport au haricot sec. Plus de détails, c'est dans la chronique nutrition avec Gertrude Mawenaï. Le haricot est un aliment très nutritif, comme l'explique Dr. Ingénieur Chantal Kwizera, professeur à l'Université du Burundi. Le haricot, en général, est une culture qui est très nutritive pour la population, même si certains gens ne veulent pas le manger, mais il est très nutritif. Il est considéré même comme légume qui est très riche. Il contient beaucoup de nutriments comme les protéines, les vitamines B, les phénolines, ainsi de suite. Beaucoup d'éléments qui sont très nécessaires à notre santé. Que ce soit le haricot frais ou le haricot sec, la composition en nutriments est la même, à part que le haricot frais contient encore beaucoup d'eau, également nécessaire pour l'organisme, comme l'indique le docteur ingénieur Chantal Kwizera. Étant sec, en matière de nutriments, ça reste la même, mais il y a une différence d'eau qui est dans les haricots frais, puisque chaque fois, on a besoin de beaucoup d'eau, c'est bien. C'est pourquoi, des fois, vous trouverez que les haricots frais sont très délicieux. Ils contiennent beaucoup de haricots qu'on a besoin. Mais étant sec, il n'y a plus de cette eau dont notre organisme a besoin. Docteur ingénieur Chantal Kwizera dit également que selon l'étude réalisée par la FAO, le haricot peut remplacer les protéines d'origine animale. C'est un genre l'appelle la viande des pauvres. Vous voyez, il y a les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour acheter la viande. On leur conseille d'au moins essayer de prendre des haricots afin qu'ils remplacent les protéines animales par les protéines qu'ils trouvent dans ce haricot. Même certaines recherches qui ont été faites par la FAO, la firme, ils ont même conseillé à la population d'augmenter ça afin de rehausser leur santé, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, personne ne doit négliger le haricot, avoir son importance nutritive, selon toujours docteur ingénieur Chantal Kwizera. Et ceci, c'est chronique nutrition que nous mettons en point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci à Eric Wimana pour sa parfaite complicité technique. Et Charles Makoto, je vous l'ai présenté. Au revoir.